Du 8 au 21 juillet 2019, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix de créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour la première de nos émissions de l'été grand large. Nous partirons à la rencontre des créateurs invités à cette 22e édition du théâtre d'outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des grands larges. Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarne.fr, en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Deroy, bonjour. Bonjour. Du spectacle Conte à l'apéro qui se joue au Théâtre de l'Entrepôt à 15h30. Avec nous également Rémi Leduc et Rémi Bachet, bonjour. Bonjour. Salut. Alors vous êtes les comédiens et créateurs du spectacle Caillas qu'on retrouve à 16h30 au Théâtre de la Chapelle. Je vous propose d'écouter un petit extrait de ce duo singulier. Nous habitions une petite maison posée tout en haut de la colline. Je n'avais pas bien dormi. J'avais passé la nuit à écouter mes parents élaborer leur diabolique plan. Ils voulaient, comme la semaine précédente, nous perdre dans la forêt. Il était 8h02 lorsque notre père nous invita à sortir. Mao, Franco, Lénine, Trump, Kim Jong-un, Adolphe, au jardin. Une partie de football ? Ben non. Mais si. Et c'est Mao qui engage la partie pour l'équipe des Rouges. Il passe la balle à Franco qui élimine deux adversaires avant de perdre la balle. Mais Adolf, le capitaine de l'équipe qui dirige sa défense d'une main de fer, récupère la balle. Il la passe à Lénine sur l'extrême gauche. Lénine déborde, sème la révolution dans le plat adverse. Avant de centrer pour Kim Jong-un. Alors, on va commencer évidemment par cet extrait donc, du spectacle Conte à l'apéro. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux contes que vous avez sélectionnés ? Comment s'est passée la sélection des contes de Perrault, justement ? Écoutez, la sélection a été très difficile. Non, en fait, ce projet-là est né à la suite d'un stage que j'ai fait, moi, avec le Théâtre de Cuisine, une compagnie de théâtre d'objets basée à Marseille. Et à la fin d'un stage, j'ai présenté le Petit Poussé, voilà, qui était un petit sketch de 8 minutes à peu près. Et j'ai proposé ce sketch à Vincent Legrand, le directeur artistique du Théâtre des Alberts à La Réunion. Et ensemble, on a réfléchi, on s'est dit, tiens, mais si on traitait différents contes de Perrault de cette manière-là, en théâtre d'objets ou en marionnettes, parce que le Théâtre des Alberts est une compagnie, alors je crois que ça fait, on va bientôt fêter nos 25 ans d'existence, spécialisée dans la marionnette. Et puis et ben là, l'idée, c'était de sortir un petit peu de la marionnette, de se diriger un petit peu plus vers le théâtre d'objets. Et voilà, et on s'est dit, ben, quel conte ça nous intéresserait, nous, de traiter avec cette forme-là. Et puis, ben, on a pris en fait un peu les grands classiques de notre enfance. Alors, il y a une revisite qui est quand même totale et très contemporaine. Mmh. Oui, on s'est permis une grande liberté dans la réécriture de ces contes. En fait, on ne s'est pas trop soucié de coller aux contes et de les raconter tels qu'on les connaît, nous. On s'est dit, tiens, mais nous, à 40 ans passés sur le plateau, qu'est-ce qui reste de ces contes-là ? Et puis, comment on a envie de les raconter ? Alors, on s'est permis de changer la fin, on s'est permis de changer les caractères des personnages. On raconte pas forcément les contes en entier, d'ailleurs, c'est parfois juste un extrait, ou comme Cendrillon, par exemple, qui est la forme la plus courte, qui dure à peine une minute, où il y a vraiment une espèce de gag comme ça, impromptu. On s'est pas trop soucié d'une espèce de fidélité par rapport à l'écriture d'origine. Et vous avez réussi à créer une mise en scène et une scénographie qui sont très astucieuses. Oui, bah c'est ce que permet aussi le théâtre d'objets, c'est que on peut pas ramener comme ça une quantité phénoménale de choses, donc il faut utiliser l'espace au maximum, et du coup bah, réinventer avec ce qu'on a, réinventer des espaces, agrandir, diminuer, faire le focus sur certaines zones, et puis l'instant d'après élargir. Donc voilà, le dispositif qu'on a, on a une table fixe, deux petites servantes sur roulettes, et puis un tableau noir. C'est assez sobre, mais c'est assez efficace, parce que sur chaque scène, tout ça bouge, et voilà, on crée des espaces différents avec pas grand-chose. Est-ce que vous avez joué ce spectacle à La Réunion, déjà ? Oui, le spectacle est sorti au mois de septembre l'année dernière. Il a été joué un peu plus d'une trentaine de fois. Et puis, nous sommes très heureux de présenter ce spectacle en Avignon. Et quelle est la réaction, justement, à la réception des spectateurs ? Parce qu'il y a différents niveaux de lecture, c'est pas que du jeune public. Non, c'est pas que du jeune public, c'est même un spectacle qui fonctionne très très bien pour les adultes. Nous, justement, dans la réécriture, on s'est pas tellement posé la question de savoir... On n'a pas voulu écrire pour le jeune public. On est parti de nos envies à nous, de nos références aussi. Donc ça en fait un spectacle pour adultes, mais accessible à des enfants. Voilà, les réactions sont plutôt très bonnes, ça rigole pas mal, pas forcément aux mêmes endroits, selon qu'on ait 7 ans ou 60 ans. Alors une belle visite, revisite à découvrir donc, au Théâtre de l'Entrepôt. Je reviens vers vous, messieurs, après ce petit bug technique. Et cette fois-ci, je vous propose d'écouter le bon extrait de votre spectacle Caillas, donc qui se joue à 16h30 à la Chapelle du Verbe Incarné. Iphigénie. Empailloté. Pont principal. La flotte. Les autres. Transporté. Communard. Relégué. Brigade. Le pays rouge. La Caillasse. Bide. Bordel, barricade, révolte, un poignard, les cognes, les mots, combat, le coron dégoulinant, le tonnerre, bavard, la grosse raclée, rire, des secondes sourds, des heures, des mois, arrêtés, et rien, recirco, les sensations, les nez dans le mauvais sein, le son, Sankara, la bouche, pas très brillant, sans parfum, patate, de la sueur et du sang, boucherie, vers sa libre, la révolution, tranchée, barrière, fond de temps, barricade, combat, vers échappeur, échappeur, tranchée, barrière, dépense, tranchée, échappe, dérail, dépote, rire, ce soir, c'est l'histoire d'un gars libre qui s'est retrouvé enfermé. Rémi Vacher, vous signez la mise en scène de ce spectacle et vous jouez également dedans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est formé ce duo, votre rencontre ? Oui, c'est vrai qu'au début du spectacle, on devait être 5. On était parti pour travailler avec 5 lits et 5 comédiens, danseurs, chanteurs, musiciens. Il y avait une équipe assez éclectique comme ça. Et puis, pour des raisons un peu de disponibilité, d'organisation, c'était compliqué. Finalement, ça s'est transformé en solo. Donc, je suis parti un peu tout seul en répétition, en me disant que j'allais sortir quand même quelque chose de tout ça. Et puis j'ai demandé finalement Rémi, qui lui avait des disponibilités, donc l'autre Rémi, allez, viens m'aider et tout ça. On va regarder, faire regard extérieur pour m'aider, pour essayer de construire les trucs à deux. Puis au fil en aiguille, en fait, on s'est retrouvé à deux sur le plateau à travailler, à délirer ensemble, à se retrouver sur les mêmes références, à rigoler des mêmes choses. C'est devenu un duo. Alors c'est vrai que ce qu'on vient d'écouter, c'est les seuls mots du spectacle. Le reste, il y a 55 minutes de gestuels et de grommelots. Ça fait très sérieux comme ça, mais c'est vraiment c'est le texte d'introduction qui met un peu le cadre, le cadre de l'imaginaire du spectacle. Le bain, l'enfermement et tout ça. Oui, parce qu'il y a vraiment, à travers cette recherche de liberté, une imagination folle. Enfin, c'est-à-dire que vous créez à la fois un univers verbal et corporel. Ah oui. Pas que, mais oui, il y a énormément de ça. Bah, le verbal par le grommelot, parce qu'en fait, tout ce qu'on va exprimer quand on a des interactions de dialogue, lui et moi, est complètement compréhensible malgré les mots totalement inventés, quoi. Et au niveau du son, avec les chants, avec les détournements d'objets, les clés à pipe qui donnent des sons complètement, complètement aigus. Ouais, il y a un peu de tout ça. Est-ce que vous avez écrit un texte ou est-ce que vous êtes dans un travail d'improvisation et d'évolution perpétuelle ? Alors, il y a un texte au tout début. Il y a... J'ai planché sur une écriture, en fait, au départ d'un espèce de... J'appelais ça un récit fondateur, une fiction, autour du voyage du bagnard, en fait, du communard qui se retrouvait dans le bateau. Donc il y a voilà, une petite fiction d'une dizaine de pages qui raconte ce qui se passe dans ce bateau à fond de cale. Et ça, c'était le tout début, pour écrire le solo, justement. Mais de ça, on en a ressorti quelques mots seulement, ceux qu'on entend au début, là, ceux que les auditeurs ont entendus. Mais tout le reste, après, c'est plus que... l'imaginaire débile et puis du délire pendant le reste du temps. Maintenant, la trame narrative, elle est née de ce récit-là. Donc c'est vraiment l'histoire d'un révolté qui se fait arrêter, maté par l'armée, envoyé à pied au bateau, jugé, et envoyé au bagne, d'où il construit le mur qui l'enfermera à jamais, et d'où il s'évade. C'est les cinq actes. Voilà. De quoi est-ce que vous êtes inspiré ? Parce qu'on a l'impression à certains moments que vous êtes tout droit sorti d'un dessin animé ou d'une bande dessinée. Je sais pas, ça vient naturellement. On a une propension assez forte à la stupidité. On fait très sérieux là, mais en fait. Ouais, en fait, on est assez débile. On aime bien faire des conneries, rigoler. On s'inspire beaucoup des vieux clowns. Keaton, etc., qui avait une gestuelle incroyable. Moi, il y a aussi les dessins animés de Tex Avery, qui sont complètement allumés et qui partent dans tous les sens, avec des personnages qui grandissent de la bouche pour sortir une langue démesurée. Tout ça, ça donne un petit univers un peu clownesque, complètement euphorique, quoi. Alors ça, et voilà, il y a toutes les références liées au mime, au théâtre gestuel. Donc depuis... la pantomime antique, en passant par Marceau, Étienne de Croux, mais aussi musicalement, il y a tout un pan du chant traditionnel qu'on appelle un peu la world music, qui est devenu la world music au fur et à mesure. Et puis la rythmique aussi, qui est très urbaine et en même temps traditionnelle. Donc il y a énormément de références. Et après, au niveau de l'inspiration, c'est un texte et un spectacle qui s'appelle Expédition Paddock du groupe Tango Sumo, qui est une œuvre d'Olivier Germser, qui a joué entre 2001 et 2013, et dont on s'est fortement inspiré pour écrire le spectacle Kayas. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu, ce spectacle. Du coup, je suis arrivé avec un regard un peu neuf, ce qui a fait que c'était intéressant de travailler dessus, quoi. Vous distinguez, c'est mon point de vue, je trouve, des créations du genre de spectacle qu'on peut voir en Outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie. Parce que même si vous parlez de votre histoire d'une certaine manière, il n'y a pas ce côté coutume ancestrale, enfin, c'est un peu détourné, c'est pas le premier niveau de lecture qu'on a. Nous, on n'a pas, on n'est pas vraiment de la coutume traditionnelle kanak originelle de Nouvelle-Calédonie. Ouais. Moi, je suis né en Nouvelle-Calédonie, mais je ne suis pas kanak, donc je ne peux pas me revendiquer de cette coutume-là. Maintenant, j'ai beaucoup de respect pour tout ce champ culturel, puisque depuis que je suis petit, je baigne dedans. Maintenant, c'est vrai on a la Nouvelle-Calédonie, c'est un melting pot de culture et de rencontres. Et forcément, ça se retrouve dans le spectacle parce que on est de là-bas. Mais c'est pas ce qui ressort le plus, effectivement. De toute façon, c'est pas une histoire d'être. De toute façon, on est tous calédoniens. Il y a de la création contemporaine ou traditionnelle partout, à tous les niveaux, dans tous les groupes. Vous l'avez joué là-bas, le spectacle ? Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, une soixantaine de fois, facile, un peu partout, en tribu. On a tourné dans quasiment toute la Calédonie, même dans les îles Loyauté. Du coup, on a pu se confronter à des publics complètement différents et à des réactions qui ne sont pas du tout les mêmes qu'on pourrait avoir, par exemple, ici à Avignon, en théâtre, on va dire fermé. Ouais, le spectacle a été créé au Rex, qui est un super lieu de la jeunesse du hip-hop et puis de la création de Nouméa. Et puis on leur dit bonjour, ils nous ont bien soutenus. à Dimbéa aussi, au Centre culturel Dimbéa. Et puis on l'a joué surtout grâce au chapiteau de Nouvelle-Calédonie. Donc qu'est-ce que ça représente du coup d'arriver ici en plein Avignon dans le théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné avec ce spectacle ? Alors moi, en tant que oreille, si je puis dire, parce que moi je suis un expat, ça fait 10 ans que je vis en Nouvelle-Calédonie et j'ai été confronté à une autre manière de voir les choses par rapport à Rémi qui lui y est né. Mais ayant été allé en tribu, jouer, découvrir les gens, les cultures, apprendre avec les vieux aussi, discuter beaucoup, moi je suis content de venir ici parce que déjà je suis français, donc venir à Avignon en France et faire quelque chose qu'on a fait ailleurs, je trouve ça génial. Et puis ça parle aussi de... Du coup, vu que ça parle du bagne, ça parle autant de la Nouvelle-Calédonie que de la France, vu que c'est lié. Et pour moi, je trouve ça intéressant de faire une sorte de lien. Ouais, peut-être que Rémi aura sûrement quelque chose à dire. Moi, je suis content parce que Avignon, c'est... j'ai jamais venu jouer à Avignon. Et dans ces murs-là, qu'on 500 ans d'histoire, ou même plus, je ne sais même pas. Ouais. Je ne sais même pas si le torchis qui tient les pierres a déjà fini de sécher. Parce qu'apparemment, c'est, tous les... c'est 100 ans, 10 cm. J'ai appris ça. Mais, c'est bien, t'es instruit, du coup. Oui. Ouais. Mais non, mais c'est des murs qui ont de l'histoire. Puis il y a plein de compagnies de Nouvelle-Calédonie qui sont passées. On les voit dans les couloirs, les affiches, là. Mm. Donc c'est des gens qu'on connaît, puis même des références pour nous, hein, depuis qu'on est petits. Donc, ouais, c'est un peu fou d'être là. Mm. Avignon, c'est quelque chose, quoi. Enfin, pour tout artiste, faire Avignon, c'est quelque chose. C'est une grande chance. On passe la moitié du temps à dire merci, je crois. Ouais. Sébastien, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Quel rapport est-ce que vous avez, vous, avec les créations d'outre-mer ? Alors, les créations d'outre-mer, j'en connais, je crois, qu'une infime partie. Hein. Moi, je suis confronté principalement à ce qui se passe à La Réunion. Écoutez, on trouve de tout. Dans tout un tas de domaines, La Réunion est un département, une région où il se passe plein de choses. Donc, culturellement, moi, je suis presque... mieux nourri à La Réunion que ce que j'étais à l'époque en métropole. Donc je trouve que c'est vraiment une chance d'être confronté à toute cette effervescence. Je parle de La Réunion, mais on est aussi confronté, nous, en étant à La Réunion, on est aussi confronté à ce qui se passe dans l'océan Indien, Madagascar, Maurice, les Seychelles, Mayotte, et même de façon plus large encore, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, etc., quoi. Très bien, et bien écoutez, on vous invite à découvrir donc ces deux spectacles, Caillasse à 16h30 à la Chapelle du Verbe Incarné et Conte à l'apéro à 15h30 à l'Entrepôt. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci beaucoup. À présent, on retrouve Nathalie Lollet qui nous présente Anne Lacouture, une artiste peintre. Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lollet du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise. Belle bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. Aujourd'hui, le portrait d'une artiste femme tisseuse de vie et flamboyante. Anne Lacouture, en arrivant toute jeune à Paris pour faire son année de préparation à l'atelier de Sèvres, sortait dans les jardins publics la nuit pour pouvoir marcher pieds nus dans l'herbe fraîche. Elle se cachait dans la journée pour étudier les tenues vestimentaires des Parisiens, si urbaines, si impeccables. Elle a observé des choses extraordinaires, dit-elle. Anne débarquait seule de son île natale de La Réunion, pour s'engager dans le parcours qui lui tenait à cœur depuis l'enfance, des études d'art qu'elle poursuivra ensuite à l'École nationale des arts décoratifs de Strasbourg. Loin des siens, et cependant portée par leur soutien et leur amour, Anne parle d'identité et de mémoire. Elle explore les liens entre les gens et les espaces, les gens et les territoires. Et ce lien fort à la terre natale et à la famille conforte sa détermination à réussir. Elle deviendra professeure d'art plastique dans le 93 à la Cité Rose, tout en enchaînant les résidences d'artistes et les expositions. Au bout d'une dizaine d'années, elle recherche plus de douceur pour construire son havre de création et de paix et de vie. C'est à Lille-sur-la-Sorgue, au pied du Luberon et non loin d'Avignon, qu'elle trouve son port d'attache, son île. C'est dans cet endroit magnifique, entouré des eaux et de la magie de la Sorgue, la rivière mystérieuse que nous sommes rencontrés dans une sorte d'évidence et d'élan de sororité. Anne Lacouture, j'avais vu l'année dernière à la Villa d'Atrice une œuvre qui parlait d'identité et de mémoire. Vous pouvez nous en parler et nous parler de votre travail ? Oui, il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Onansira, qui est une œuvre constituée d'un ensemble important de messages écrits laissés par les visiteurs. Je couds pour chacun des messages laissés une petite pochette transparente et j'ajoute ensuite ces messages les uns aux autres de manière à constituer une pièce textile qui grandit, qui pousse et qui continue à pousser dans le temps grâce à la participation des visiteurs. Cette pièce aujourd'hui fait environ 8 mètres carrés, alors que l'année dernière, à la même époque, elle faisait 2 mètres carrés. Génial. Il faut que j'aille la voir. Elle est toujours exposée à la Villa d'Atrice ? Elle était exposée jusqu'au 29 juin à l'Espace Monte Cristo à Paris. Là, l'exposition s'est terminée. Vous pouvez voir l'évolution. Vous allez pouvoir voir l'évolution de cette œuvre en images sur mon site. annelacouture.com et vous pourrez par la suite voir de nouveau cette œuvre quand elle sera exposée ailleurs, je ne peux pas encore vous dire où, mais elle va continuer donc à grandir et à s'enrichir de la participation des personnes qui laissent des messages écrits. Et donc qu'est-ce que vous cherchez en fait dans ce travail d'exploration des liens entre les gens ? Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est la plus concrète, on va dire la plus incarnée, c'est de proposer aux gens de laisser un message dont la valeur sera donnée par le temps, puisqu'on ne sait pas qui lira ce message et quand. Il est enfermé dans une petite pochette transparente, comme je l'ai dit. Moi, je ne les lis pas, mais c'est un peu une bouteille jetée à la mer. Donc c'est un lien du présent vers l'avenir, je l'espère en tout cas, puisque l'idée de cette pièce, c'est qu'elle soit une sorte d'élément d'archéologie constitué volontairement pour l'avenir. La deuxième chose, c'est le lien immédiat qu'il y a entre les gens lorsqu'ils font ce travail d'écriture pour participer, puisqu'ils réfléchissent et se tournent vers eux-mêmes pour écrire quelque chose. Donc ce sera un lien vers eux-mêmes. Il y a aussi le lien avec les autres gens qui sont sur place à ce moment-là et avec moi lorsque je m'y trouve, où là, ça suscite des discussions, ça suscite des rires, ça suscite des réflexions et aussi des... certaines discussions plus intimes autour de secrets, par exemple, que les gens sont amenés à partager dans ce cadre un peu particulier. Et enfin, la troisième manière de créer du lien, d'après moi, dans ce travail, c'est le lien qu'il y a entre toutes ces personnes qui ont participé de lieu en lieu, de moment en moment, sans jamais se croiser, sans jamais se connaître, mais qui sont unis définitivement par cette œuvre, dans cette œuvre, de façon concrète, à travers le message qu'ils ont laissé et qui tient la main à un autre message, si on peut dire ça comme ça. Anne Lacouture regarde dans la mémoire les traces, les choses disparues et la part onirique de ce qu'on imagine qui a eu lieu. Elle est dans une autre dimension, dans un intervalle où les choses s'ordonnent malgré nous vers une réalité, se nourrissant de tout notre être, singulier et collectif. C'est dans cet intervalle qu'elle porte au cœur l'île de la Réunion et l'île sur la Sorgue. Qu'est-ce qui reste dans votre travail de la Réunion, de vos origines et de votre amour ? Je crois que mon travail ne parle que de ça. Non pas de la Réunion, mais du fait d'être quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui s'est installé dans un endroit dans lequel il estime qu'il est maintenant, dans lequel il est ancré maintenant. Mais malgré tout, on est condamné quand on vient d'ailleurs. Quand on retourne chez soi, eh bien, tout le monde considère qu'on est d'ailleurs. Et quand on est bel et bien chez soi, là où on a tout construit, tout installé, les gens considèrent qu'on est celle qui vient d'ailleurs. Donc c'est cet entre-deux-là qui m'intéresse. Mon travail ne parle que de valises, de ce qu'on emporte vraiment avec soi, d'oubli, d'incapacité à se souvenir, de tentatives pour se souvenir, de jardins d'enfance, de lieux d'enfance, de confidences et de cultures décalées, bien plus que ce qu'on ne croit en apparence. Anne œuvre à la mémoire du futur en reliant tellement d'histoires et de morceaux de vie. Nous avons voulu dédier cette chronique à sa grand-mère qui l'écoutera depuis son île de la Réunion. Et je vous conseille de découvrir son travail sur son site Anne Lacouture, donc sans E, hein, A2N, tout de suite lacouture.com, et y suivre son actualité. Nathalie Lelay à Avignon pour Antillais et Radio Thomas. Rémi Vachet, vous êtes resté avec nous. Oui. Pour nous lire un extrait d'un témoignage de Bagnard. Ouais, c'est une fiction vraiment totale. C'est inspiré vraiment d'une histoire que j'avais lue, qui était peut-être déjà même une fiction d'un Bagnard qui était parti qui écrivait en fait tout son parcours. Et puis ça fait partie du récit fondateur dont on parlait. Je ne suis pas du tout écrivain, donc c'est sans prétention que je partage ce petit texte. Je suis pas lecteur non plus, donc c'est parti. Ça s'appelle Soliloque Caillasse. Ton dos a beau être conçu par la nature pour te porter vers le ciel, ici, il plie, résiste au mieux mais finit toujours par casser. Et si tu entends dans le mot nature l'herbe et les oiseaux qui chantent, tu fais fausse peine. Le soleil du paradis est une brûlure, l'herbe des champs sont des milliers de rasoirs, et la mer, ah la mer, l'espoir d'une infinie liberté, s'avère n'être que le glouton des enfers. Tes parents t'ont peut-être doté d'une grande force, mais la poigne du bagne te broie, comme un solilesse dans les crocs d'un molosse. Et ce molosse, sa rage, il te l'a refilé, même s'il fait beau temps. Tu te refermes, t'as les dents qui grincent la nuit. Elles se taillent en pointe comme une craie sur un tableau noir. Tu ronges tes songes pour ne plus rêver et les plumes de ton oreiller font des petits amas et collent la poussière. Ton dos se plie et garde la mémoire de la forme avant de se briser comme un fer trop rouillé. Alors t'as beau avoir été conçu par la nature pour te porter vers le ciel, ici, c'est la terre qui t'emportera. La colère, tu la planteras plus tard dans le bide d'un autre, un de ceux qui partagent ton carré, tes souillures et ton sang, un de ceux qui causent avec des rats et se perdent à boire de l'eau de mer, pour en finir sécher le reste d'humidité de leurs yeux et pour se rendre aveugles. Ne plus rien voir, ne plus rien ressentir, le problème de la douleur, c'est qu'il te montre que tu vis encore. Alors, puisqu'il faut vivre et construire ce mur qui t'enfermera, tu te parles. Tu te parles au restant de toi-même, sans pour autant te regarder en face, ni vouloir te voir. Tu te parles et tu te fais une promesse. Promesse que tu devras tenir. Engagement que la caillasse devra te faire tenir. Et tu te diras, comme une prière chaque soir sur ta paillasse, « Laissez-moi seul. Laissez-moi seul ne serait-ce qu'un seul instant. Et vous verrez, je me dresserai. Car telle est la nature d'un homme. Rien ne saurait l'en dissuader. » Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon. Bonjour Estelle Laurentin. Bonjour Savannah. Alors quel extrait est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui ? Ah ben, je ne sais plus parce qu'en fait j'étais pas tout à fait prête Savannah. Je chausse mes lunettes. Alors en fait on va écouter un épisode de notre série Archives d'outre-mer consacrée à Édouard Glissant. Et vous allez l'entendre aujourd'hui nous parler de la relation, et particulièrement de la relation entre les langues. On commence par quelques phrases de son poème « Les Indes », dites en créole, par le comédien Rudy Siller. Alors, ces archives ont été enregistrées le 12 juillet 2009 à la chapelle du Verbe incarné. Et on écoute Édouard Glissant. Ces marins ont arrêté en l'aile infini l'océan. Ils arrivaient connaître tout sens perdu. Ils arrivaient savent qu'ils n'ont là, l'asile Zéduya, tenu débord. Ça y'a pas souffert. Nommé en l'aile en mer, qu'a payé pour payer à qui wayneya. La paix qu'a rendu belle sans même quitter l'aide, et qu'a peuplé l'en mer, et puis cathédrale qui qu'a éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire, imaginer par l'imagination et imaginer par l'imaginaire? Imaginer par l'imagination, c'est, étant donné un lieu où l'on est, concevoir d'autres lieux ailleurs. Et ça, les langues l'ont pratiquement toujours fait. Ça, les poètes, en tout cas, l'ont toujours fait. Les poètes ont toujours imaginé, d'imagination, le monde ailleurs. Mais aujourd'hui, la langue aussi imagine, d'imaginaire, le monde. C'est-à-dire non pas seulement ce que d'autres lieux sont, mais ce que sont les rapports entre tous les lieux possibles. Et ça, c'est une chose compliquée. Quelqu'un est venu me voir tout à l'heure et m'a dit « Bon, je vous ai écouté à la radio, c'était fantastique, j'ai acheté votre livre, mais là, alors là, c'est difficile, on ne comprend rien, c'est pas pareil. » Et j'ai dit « Bon, mais c'est fait exprès, c'est fait pour ça. » C'est Michel Butor qui disait quand on lui disait « Vos livres sont incompréhensibles », il disait « C'est pas moi qui suis complexe et incompréhensible, c'est le monde. Le monde est complexe et incompréhensible. » Alors, si je vous explique le monde d'une manière claire et évidente, il y a quelque chose qui se perd dans l'imaginaire que j'ai du monde. Il y a quelque chose qui se perd. Je vous fais croire que le monde est simple et compréhensible, alors que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de concevoir le monde comme simple et incompréhensible. Donc, ce qui se passe, c'est que la chose difficile à imaginer, c'est l'imaginaire, justement. C'est-à-dire la relation fondamentale, non pas la réalité des lieux que je peux imaginer, n'est-ce pas ? Je peux rêver que je suis à Valparaiso ou à Samarcande, ou etc. Ou je peux rêver ça, c'est l'imagination, etc. Mais la relation entre Valparaiso, Samarcande, Avignon et Fort-de-France, c'est là que l'imaginaire joue et c'est là que ça devient inextricable et incompréhensible et pourtant nécessaire. Et là, les langues aujourd'hui, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales, sont obligées de passer par cet inexplicable. Là, et ce qui se passe, c'est que, par exemple, je peux entendre une langue étrangère, là, vous avez eu l'exemple, ne rien comprendre et comprendre quand même. N'est-ce pas ? C'est ça l'inexplicable. Et par conséquent, nous allons apprendre de plus en plus à avoir une nouvelle relation aux langues. C'est-à-dire que nous allons développer en nous une intuition des langues qui ne sera pas une compréhension ni une connaissance des langues, mais qui sera une divination des langues. Parce que les langues ne seront pas seulement un enfermement, les langues, ce seront un système de relations entre tout et tout. Et de plus en plus, nous allons... Archives d'Outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Toma. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarne.fr. Marie-Cécile nous a rejoint, bonjour. Bonjour Savannah. Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre D'Océane. En fait, c'est un bon lien avec le sujet précédent, puisque nous allons parler du créole dans la création théâtrale, puisqu'elle fait des études à ce sujet. Donc Océane est chargée de billetterie à la Chapelle du Verbe Incarné, et je l'ai rencontrée il y a 2 jours, et elle nous parle de ses études. Je suis auxerniéraise, je suis étudiante en théâtre à la Sorbonne Nouvelle. Et donc là, je suis actuellement en stage à l'accueil billetterie de la Chapelle du Verbe Incarné. Je travaille sur la créolité donc, depuis déjà 2 ans, puisque l'année dernière, donc, j'ai validé mon premier mémoire de lettres et de langues. Et à la fin de mon master, mon mémoire portait sur la construction phrastique du créole de Martinique. Donc, construction phrastique, c'est entre guillemets comment donc le créole, qui est une langue à la base orale, se retrouve à l'écrit. Donc, ça m'intéressait fortement parce que je suis moi-même de la Martinique. Et quand j'ai proposé ce sujet-là, mes profs étaient plutôt étonnés et intrigués parce qu'il faut savoir qu'en fait, on parle du créole, mais il n'y a pas qu'un créole, il y a plusieurs créoles. Et il y a des créoles en fait dans toutes les anciennes colonies il y a différentes créoles de différentes bases. Donc moi, par exemple, aux Petites Antilles, on parle un créole à base française, mais il y a également des créoles à base portugaise, espagnole, de diverses origines. Le créole, c'est encore en train de se développer et il y a de plus en plus d'artistes et d'auteurs quoi, qui mettent en avant le créole, notamment le créole des Petites Antilles. Aujourd'hui, je fais un mémoire sur la création caribéenne des Petites Antilles et l'utilisation du créole au sein de ces créations. Et donc, c'est pour ça que je suis à la Chapelle, parce qu'il manque beaucoup, beaucoup de spécialistes sur le théâtre d'outre-mer. Et on se rend compte qu'il y a peu d'œuvres et de mises en scène éditées. Donc, ce qui fait que tout se perd. Dans les Petites Antilles, mais pourtant il y a pas mal de spectacles qui tournent dans la Caraïbe, dans la sphère caribéenne, dont on n'entend pas du tout parler en métropole. Le théâtre des Petites Antilles est basé sur l'improvisation et la transmission orale. Et ce qu'il faut, c'est vraiment éditer. Et je pense qu'il faut aussi désacraliser l'objet littérature francophone et éviter de mettre à chaque fois, par exemple, les Petites Antilles au sein de la littérature francophone alors que ça fait partie de la littérature française. Déjà, je pense que quand on aura coupé ça, ça avancera. Ce qui m'inspire dans les créations caribéennes des Outre-mer, c'est la musicalité. Parce qu'on retrouve, en tout cas dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai lu et avec les artistes que j'ai rencontrés, il y a une réelle musicalité créole. On peut parfois être un peu à distance, puisqu'on n'a pas forcément du coup les codes de la Caraïbe, mais même sans les codes, je sais pas, on se sent quand même. On sent qu'il y a quelque chose qui nous traverse et je trouve qu'il y a plus de gouaille, ouais, si je peux dire ça. On doit aller parce qu'il faut continuer, il faut faire vivre. Tout simplement, il faut éduquer tout le monde, il faut éduquer la population et. En nous aller, Zotka foncé. Merci Marie-Cécile, on se retrouve demain. On se retrouve demain et cette fois nous allons parler du Maloya. Nous avons hâte. Alors notre invité journaliste nous vient de François et Première. Bonjour Patrice et Lydie Kozak. Bonjour Savannah. Alors de quel spectacle avez-vous décidé de venir nous parler ce soir ? Alors ça s'entend pas comme vous posez la question, mais en fait c'est quel spectacle au pluriel ? Parce que j'étais incapable de... J'ai 3 raisons différentes d'aimer 3 spectacles différents, et ces 3 raisons-là me tiennent toutes les 3 à cœur. Donc ça va être 3 coups de cœur en un. Voilà, désolé, je casse un peu la règle. Mais... Aucun problème. J'ai choisi, pour commencer, « Tous mes rêves partent de Gare d'Austerlitz ». Pour ce qu'elle a d'universel. Donc, en 2 mots, des femmes sont en prison et on a un pan de vie et on voit comment le théâtre, finalement, avec la petite dernière qui vient d'arriver, comment le théâtre permet effectivement de sortir des frontières. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un texte et c'est pas une pièce et un spectacle larmoyant sur un sujet terrible, les femmes en prison, enfermées, etc., etc. Ça devient une comédie avec quelques moments un peu, pas dramatiques, mais un peu plus sérieux. Mais c'est essentiellement une comédie. Donc j'aime cette performance, le fait de tourner en quelque chose d'abordable, de drôle, malgré la gravité du sujet. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur. Et puis les 6 filles qui sont dans ce spectacle sont vraiment formidables. Et la mise en scène, est aussi bien en termes de lumière que d'ambiance sonore, est très très bien montée, très très bien faite. Voilà. Donc ça, c'est le premier coup de cœur pour ce que ça a d'universel et de pouvoir se dire que, bah, comme les Outre-mer, l'universalité n'a pas besoin forcément d'avoir de mettre un Polynésien par-ci, etc., un truc par-là. C'est voilà, c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde et c'est un spectacle qui vraiment peut voyager partout en Outre-mer. Deuxième coup de cœur, enfin deuxième premier coup de cœur, c'est pour alors c'est pour Caillasse parce que c'est inattendu d'avoir ce type de spectacle-là en provenance de Nouvelle-Calédonie. Pour moi, hein, je veux dire, forcément, c'est pas forcément un spectacle visuel, presque de mime, avec très peu de paroles, paroles de mots. C'est un spectacle visuel qui évoque pourtant aussi un sujet grave, qui est l'enfermement, encore une fois, le fait d'être bagnard et de pouvoir partir, peut-être se dédoubler et de pouvoir s'évader de cette façon-là. Et c'est un, en cela, c'était aussi un spectacle très drôle et à la fois sur une thématique très grave. Donc j'ai aimé ça. Et voilà pour le deuxième. Le troisième, enfin, en fait, ça va être quatre, c'est horrible. Non, bah, voilà. Aussi pour des raisons un peu similaires, j'ai aimé La Trappe-Dieu parce qu'on part sur une espèce de truc qui ressemble à, pas un one-man show, mais une espèce de spectacle d'humoriste. Et on en arrive à des choses profondes, puisque ça parle de croyance et de, du processus de la croyance et pourquoi on croit. Et je trouve ça vraiment formidable, cette manière de nous amener vers un type de spectacle et tout d'un coup de nous prendre par la main pour nous emmener vers un autre type de spectacle plus grave, plus sérieux dans la thématique, mais en même temps dans la mise en scène très légère. Et puis voilà. Et puis en fait, c'est pas un coup de cœur, c'est beaucoup un coup de pouce, parce que je trouve que quand on est au Festival d'Avignon, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les grands, les petits, il y a pour ceux qui aiment la chanson, il y a des concerts, il y a des théâtres musicaux, et puis il y a des spectacles de danse chorégraphique. C'est un coup de cœur, coup de pouce, parce que je trouve que le travail que font Josiane Antourel et Ina Boulanger vraiment, est vraiment magnifique et qu'il mérite d'être vu, peut-être plus vu encore. Cette espèce de dialogue avec le corps, c'est très important. C'est aussi de l'expression théâtrale. C'est l'absence de mots, mais c'est une présence des corps qui dit aussi des choses. Et j'ai beaucoup aimé le message, si on peut parler de message, mais en tout cas le dialogue qu'elles ont toutes les deux avec leur corps, avec peu de mots, avec quelques images aussi. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est difficile des fois à défendre, mais qui mérite d'être vu, entendu, écouté. Quand vous venez à Avignon, vous avez envie d'être surpris ? Bah, je crois qu'avant tout, c'est ça. Surpris, j'allais dire d'être ému, mais non, je crois que j'ai envie d'être surpris, parce que de la surprise peut naître après plein de choses, l'émotion, la réflexion, etc. Mais c'est vrai que là, c'est la surprise. C'est-à-dire que là, ce que j'aime, et ce que j'ai aimé l'an dernier aussi avec la programmation du Thomas, c'est pas pour jeter des fleurs parce que je suis à Radio Thomas, mais c'est cet éclectisme de... Il y a des choses qui m'ont surpris en provenance des pays, enfin, en provenance des compagnies issues des de tel ou tel pays d'outre-mer, et c'est des thématiques qui sont abordées qui me plaisent bien. Alors le bagne en Nouvelle-Calédonie, ok, mais c'est la manière dont c'est fait, notamment dans Caillasse, qui surprend. Et là on se dit, ah ben oui, mais il y a mille modes d'expression, pourquoi se limiter à, voilà, c'est comme en musique, il y a mille genres musicaux, et Fabrice Di Falco a prouvé aussi qu'on pouvait mélanger l'art lyrique avec des airs jazzy et de begin, et c'est ça qui est chouette, c'est de la surprise, et de la surprise naît l'émotion, naît la réflexion, naît la profondeur, naît la légèreté, naît le rire, naît les larmes, voilà, il faut surprendre. Pour pas rester dans un... Voilà, on en sait quelque chose dans les Outre-mer, de rester dans les ornières, et on nous met bien dans les ornières. Et quand par le spectacle, on peut s'évader de ces ornières-là, enfin de ces parapets-là, de ces contraintes-là, ça c'est chouette. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous de m'avoir invité. Alors on rappelle justement aux spectateurs qui ont envie de découvrir les spectacles dont vous avez parlé, Cri de mes racines qui se joue à 15h05, Caillasse à 16h30 et Tous mes rêves partent de gare d'Austerlitz à 18h. Bon festival à vous. Eh ben merci à vous et très bon bientôt. Festival aussi à Radio Thomas. Merci beaucoup. À présent, le deuxième épisode de nos visiteurs du jour. Les visiteurs du jour. Certains festivaliers viennent de plus loin que d'autres, apportant avec eux l'écho de leur archipel. C'est dans la palais des papes et c'était cool. On a vu le pont d'Avignon, c'est le pont Bénezé. Chaque jour, l'un de ces spectateurs des Grands Larges nous raconte son festival. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on adore le théâtre, mais il n'y a rien de professionnel et aucun festival. Moi, c'est Aude et j'ai 18 ans. je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je viens tout juste de passer mon bac littéraire, que j'ai obtenu avec succès. Et j'envisage pour cette année à venir d'aller à Paris-Nanterre pour une licence humanité et art du spectacle. Mon projet est celui de devenir comédienne. Donc je tente les écoles nationales supérieures. Je viens justement d'en passer un que je n'ai pas réussi. Mais pour l'année prochaine, j'ai déjà un autre projet. Moi, je viens d'un endroit qui n'a pas d'odeur parce que l'air glacial, le vent marin vient endormir mes narines. Et de là où je viens, on voit la mer dès qu'on sort de chez soi. Nous sommes présents à Avignon pour jouer la pièce Anna, femme de bourreau, écrite par notre professeur de théâtre. On joue donc au Thomas, chapelle du Verbe incarné. Une belle expérience enrichissante entre découverte et plaisir. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on adore le théâtre, mais il n'y a rien de professionnel et aucun festival. Donc chez nous, le théâtre s'inscrit dans le cadre amateur, avec des troupes d'adolescents, d'enfants, mais aussi d'adultes, et sur Saint-Pierre et sur Miquelon. Et notre rendez-vous annuel, c'est donc les pièces de fin d'année. Moi, je suis arrivée hier soir, en toute fin de journée, donc je n'ai pas encore eu l'occasion d'arpenter toutes les rues d'Avignon. Mais du peu que j'ai pu y voir, ce que j'en retiens, c'est une certaine magie, une certaine ambiance communicative ou une sorte de gaieté que tout le monde partage. Nous vous quittons avec un instant poétique par Greg Germain. C'était l'émission Grand Large en direct du Festival d'Avignon. Évidemment, on vous retrouve demain en direct à 18h pour découvrir d'autres créateurs d'outre-mer. Alors demain, nous accueillerons les spectacles Et le cœur fume encore et Anna, femme de bourreau. Vous pouvez également nous retrouver chaque jour sur nos radios partenaires Radio Grenouille à Marseille, Aligre FM à Paris et aussi sur le magazine Antilla et sur notre blog Mediapart. Belle soirée et bon festival à tous. Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain. Quand les murs tombent. C'est une rumeur de plusieurs siècles. Et c'est le chant des plaines de l'océan. Les coquillages sonores se frottent au crâne, aux os, aux boulets verdis au fond de l'Atlantique. Il y a dans ces abysses des cimetières de bateaux négriers, beaucoup de leurs marins. Les rapacités, les frontières violées, les drapeaux relevés et tombés du monde occidental. Et qui constellent l'épais tapis des fils et des filles d'Afrique dont on faisait commerce. Ceux-là sont hors des nomenclatures. Nul n'en connaît le nombre. C'est vrai que le XXIe siècle est ce moment où le monde achève de faire monde sous les auspices consternants du libéralisme économique, cette virulence capitaliste qui investit l'esprit de liberté pour le dénaturer dans une structure qui précipite les forts et les faibles, ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, dans la géhenne grande ouverte du marché. La mise en système de l'esprit de liberté n'est plus la liberté. C'est un émiettement de tous qui expose chacun, seul et démuni, à l'appétit du monstre. C'est vrai enfin que dans ce marché ouvert, ce monde-marché, ce marché-monde, les dépressions entre pénurie et abondance suscite des flots migratoires intenses, comme des cyclones qu'aucune frontière ne saurait endiguer. Sapiens est par définition un migrant, émigrant, immigrant. Il a essaimé comme cela, pris le monde comme cela, et comme cela il a traversé les sables et les neiges, les monts et les abîmes, déserté les famines pour suivre le boire et le manger. Il n'est frontière qu'on outrepasse. Cela se vérifie sur des millions d'années. Ce le sera jusqu'au bout, encore plus dans les bouleversements climatiques qui s'annoncent. Et aucun de ces murs qui se dressent tout partout, sous des prétextes divers, hier à Berlin, et aujourd'hui en Palestine ou dans le sud des États-Unis, ou dans la législation des pays riches, ne saurait endiguer cette vérité simple. Que le tout monde devient de plus en plus la maison de tous. Kai tout moun. Qu'il appartient à tous, et que son équilibre passe par l'équilibre de tous. La tentation du mur n'est pas nouvelle. Chaque fois qu'une culture ou qu'une civilisation n'a pas réussi à penser l'autre, à se penser avec l'autre, à penser l'autre en soi, ces raides préservations de pierre, de fer, de barbelés, de grillages électrifiés ou d'idéologies closes se sont élevées, effondrées, et nous reviennent encore avec de nouvelles stridences. Le mur identitaire a donné les éternelles confrontations de peuples, les empires, les expansions coloniales, la traite des nègres, les atrocités de l'esclavage américain et tous les génocides connus et inconnus. Le côté mûr de l'identité a existé, existe encore dans toutes les cultures, chez tous les peuples. Mais c'est en Occident qu'il s'est avéré le plus dévastateur, sous l'amplification des sciences et des technologies. Le monde a quand même fait tout monde. Les langues et les cultures, les civilisations, les peuples se sont quand même rencontrés, fracassés, mutuellement embellis et fécondés, souvent sans le savoir ou le manifester. Les murs qui se construisent aujourd'hui, au prétexte de terrorisme ou d'immigration sauvage ou de dieux préférables, ne se dressent pas entre des cultures, des civilisations ou des identités, mais entre des pauvretés et des surabondances, des ivresses opulentes mais inquiètes et des asphyxies sèches. Ce qui menace les identités nationales, ce n'est pas les immigrations. C'est par exemple l'hégémonie états-unienne établie sans partage. C'est la standardisation insidieuse prise dans la consommation. C'est la marchandise divinisée, précipitée sur toutes les innocences. C'est l'idée d'une essence occidentale déprise des autres ou d'une civilisation exempte de tout apport des autres et qui serait par là même devenue non humaine. C'est l'idée de la pureté, de l'élection divine ou non, de la prééminence, du droit d'ingérence. En bref, c'est le mur identitaire au cœur de l'unité-diversité humaine. La rengaine du choc des civilisations est ici lamentable. Les civilisations se connaissent, se frottent, se changent et s'échangent de manière consciente ou inconsciente depuis des milliers d'années. Les archéologies culturelles, voire même identitaires, ne révèlent que des strates qui s'en mêlent sans fin, se nourrissent, se regardent, se fécondent, s'émulsionnent. L'Occident est en nous, et nous sommes en lui. Toutes les cultures ont eu leur projection magico-mythique liée à une démarche rationnelle et technique. Toutes les cultures sont de folie et de sagesse, de prose et de poésie. Toutes les cultures sont de pulsions communautaires et de participation individuelle. La vraie diversité ne se trouve aujourd'hui que dans les imaginaires. La façon de se penser, de penser le monde, de se penser dans le monde, d'organiser ses principes d'existence et de choisir son sol natal. Aucune langue naît sans le concert des autres. Aucune culture, aucune civilisation n'atteint à plénitude sans relation aux autres. Dans les histoires des sociétés, aucun métissage n'a donné lieu à dégénérescence, des gallo-romains aux brésiliens. Et pas une des créolisations survenues dans le monde n'a conduit à l'effacement pur et simple d'une de ses composantes. Il y a tant de présences dans une ronde de tambour, tellement de langues dans un chœur de reggae ou une phrase de Faulkner, tellement d'archipels dans une volée de jazz. Et combien d'énormes rires de libération, de jubilation, quand tout cela se rencontre. Retrouvez la radio du Thomas sur le net, www.verbeincarné.fr. Thank you.